Chapitre 14. Le jardin. Ophélie baissa le menton et bafouilla la première chose qui lui passa par la tête. « Une domestique, monsieur, je suis nouvelle, je viens de prendre mon service. » Le sourire de l'homme s'effaça aussitôt et ses sourcils se haussèrent sous le chapeau de forme. Il l'enlaça par les épaules puis l'entraîna de force à travers les galeries de glace. Ophélie était abasourdie. Au fond de sa tête, une pensée qui n'était pas la sienne lui ordonnait de ne plus prononcer un mot. Elle eut beau jouer des bras et des jambes, elle ne put faire autrement que replonger dans le brouillard fétide de la ville. Il fallut beaucoup de pavés et beaucoup de ruelles avant que l'ambassadeur ralentît l'allure. Il tira en arrière le capuchon d'Ophélie et, avec un sans-gêne déconcertant, il caressa pensivement ses épaisses boucles brunes. Il lui releva ensuite le menton pour l'observer à son aise à la lueur d'un lampadaire. Ophélie le dévisagea en retour. L'éclairage qui tombait sur la figure de l'ambassadeur rendait sa peau blanche comme de l'ivoire et ses cheveux pâles comme des rayons de lune. Cela n'en faisait que davantage ressortir le bleu de ses yeux extraordinairement clairs. Et ce n'était pas un grain de beauté entre ses sourcils, c'était un tatouage. Cet homme était beau. Oui, mais d'une beauté un peu effrayante. Malgré son chapeau ouvert comme une boîte de conserve, il n'inspirait pas du tout à Ophélie l'envie de lui rire au nez. Ce petit accent, cette tenue saugrenue, ces manières provinciales, énuméra-t-il avec une joie grandissante, vous êtes la fiancée de Thorne. Je savais qu'il nous roulait dans la farine, le lascar. Et que se cache-t-il sous ses binocles noirs? L'ambassadeur fit doucement glisser les lunettes d'Ophélie jusqu'à croiser son regard. Elle ne savait pas trop à quoi son expression ressemblait à cet instant, mais l'homme se radoucit aussitôt. Ne soyez pas inquiète. Je n'ai jamais brutalisé une femme de ma vie. Et puis, vous êtes si petite. Ça donne irrésistiblement envie de vous protéger. » Il avait dit cela en lui tapotant la tête comme une grande personne l'aurait faite envers une enfant perdue. Ophélie se demandait s'il n'était pas en train de franchement se moquer d'elle. « Une petite demoiselle inconsciente !» la rabroua-t-il d'un ton onctueux. Aller parader ainsi en plein territoire mirage, le nez à l'air, êtes-vous déjà fatiguée de vivre ? Ce discours choqua Ophélie. Les mises en garde de Thorne et de Bérénilde n'étaient donc pas exagérées. Mirage, c'était le nom de ceux dont les paupières étaient tatouées. Une appellation sur mesure pour des illusionnistes. Décidément, elle ne comprenait pas. Pourquoi ces gens avaient-ils cédé un domaine à Bérénilde s'ils détestaient à ce point les dragons et tout ce qui leur était lié ? Vous avez avalé votre langue ? La taquina l'ambassadeur. « Je vous effraie. » Ophélie fit non de la tête, mais elle ne lâcha pas un mot. Elle ne réfléchissait qu'à la manière dont elle pourrait lui fausser compagnie. « Thorne me tuerait s'il vous savait auprès de moi, » exulta-t-il. « Quelle ironie, vraiment, je me régale, ma jeune demoiselle. Vous allez m'accorder une petite promenade ?» Ophélie aurait bien décliné la proposition, mais le bras qui s'enroula autour du sien était irrésistible. Son grand-oncle avait raison. Entre les mains d'un homme, elle ne pesait vraiment pas lourd. L'ambassadeur l'entraîna vers des quartiers encore plus malodorants, si tant est que ce fût possible. Ophélie trempait sa robe dans des flaques tellement noires que ça ne pouvait pas être de l'eau. Vous êtes fraîchement arrivée chez nous, n'est-ce pas ? Observa l'ambassadeur, qui la dévorait des yeux avec une intense curiosité. Je suppose que les villes sur Anima sont beaucoup plus coquettes. Vous aurez vite l'occasion de vous apercevoir qu'ici, on cache toute la crasse sous une triple couche de vernis. Il se tut abruptement alors qu'il prenait le tournant d'un trottoir. Ophélie fut à nouveau traversée par une pensée qui ne lui appartenait pas. Elle devait remettre sa capuche. Interloquée, Ophélie releva ses lunettes vers l'ambassadeur et lui répondit par un clin d'œil. Ce n'était donc pas un effet de son imagination, cet homme pouvait superposer ses pensées aux siennes. L'idée lui déplut. L'ambassadeur la fit passer par des entrepôts remplis jusqu'au plafond de caisses et de sacs de toile. De nombreux ouvriers s'y affairaient malgré l'heure avancée de la nuit. Ils pinçaient respectueusement la visière de leur casquette au passage de l'ambassadeur, mais ils ne prêtèrent aucune attention à la petite femme encapuchonnée qui l'accompagnait. L'éclairage dispensé par des lustres suspendus au bout de longues chaînes en fer soulignait leurs traits inexpressifs et fatigués. Ce fut en voyant ces hommes usés jusqu'à la corde qu'Ophélie prit pleinement conscience du monde où elle se trouvait. Il y avait ceux qui dansaient au bal, enfermés dans leur bulle d'illusion, et ceux qui faisaient tourner la machine. « Et moi, pensa-t-elle, quelle sera ma place dans tout ça ?»« Nous y voilà !» chantonna l'ambassadeur, « juste à temps !» Il montrait à Ophélie une horloge comtoise qui pointait déjà presque 6 heures du matin. Elle trouva singulier de tomber sur une si jolie comptoise au milieu des entrepôts, puis elle s'aperçut qu'il se tenait maintenant dans ce qui ressemblait fort à une petite salle d'attente, avec un élégant tapis vert, de confortables fauteuils et des tableaux au mur. Devant elle, 2 grilles en fer forgé donnaient sur des cages vides. Il n'y avait eu aucune transition avec le décor précédent, c'était étourdissant. L'ambassadeur s'esclaffa en remarquant la mine ahurie d'Ophélie qui écarquillait les yeux derrière ses lunettes noires. « Précisément ce que je vous disais, le vernis sur la crasse. Les illusions traînent un peu partout dans le coin. Ce n'est pas toujours très cohérent, mais vous vous y ferez vite. » Il poussa un sourire désabusé. « Des cache-misères, sauver les apparences. » C'est en quelque sorte le rôle attitré des mirages. Ophélie se demanda si c'était par esprit de provocation qu'il portait lui-même des habits de clochard. Peu après les 6 coups de l'horloge, un ronronnement se fit entendre et une cabine d'ascenseur prit place derrière l'une des grilles. Un groom vint leur ouvrir. C'était la première fois qu'Ophélie montait dans un ascenseur aussi luxueux. Les parois étaient en velours capitonné, et un tourne-disque diffusait de la musique d'ambiance. Mais toujours aucun miroir en vue. « Avez-vous desservi récemment le jardin d'été ?» demanda l'ambassadeur. « Non, monsieur, » répondit le groom. « Il est passé de mode. Les fumoirs ont plus de succès. »« Parfait. Conduisez-nous-y et veillez à ce que nous ne soyons pas dérangés. » Il remit un petit objet au groom qui lui sourit radieusement en retour. « Oui, monsieur. » Ophélie avait l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Tandis que le groom actionnait un levier et que l'ascenseur s'élevait doucement, elle réfléchissait à la manière de se soustraire à cet homme qui s'imposait à elle. Le voyage à travers les différents niveaux de la citatielle lui parut interminable. Elle compta mentalement les étages, 18, 19, 20, 21, ça n'en finissait pas et chaque palier l'éloignait davantage du manoir. « Le jardin d'été !» annonça soudain le groom en bloquant le frein de l'ascenseur. La porte s'ouvrit sur un soleil éblouissant. L'ambassadeur referma la grille en fer forgé et l'ascenseur s'enfuit vers les étages supérieurs. Ophélie posa ses mains en abat-jour sur son front. Malgré les verres sombres de ses lunettes, elle se sentait submergée de couleurs. Un champ de coquelicots étalait à perte de vue un tapis rouge qui ondoyait sous un ciel au bleu éclatant. Le chant des cigales emplissait tout l'espace. La chaleur était étouffante. Ophélie se retourna. Les 2 cages d'ascenseur étaient toujours là, encastrées dans un mur absurdement planté au milieu des coquelicots. « Ici, nous serons à notre aise pour parler. » déclara l'ambassadeur en faisant un moulinet avec son gibus. « Je n'ai rien à vous dire, » l'avertit Ophélie. Le sourire de l'ambassadeur s'étira comme un élastique. Ses yeux se révélaient encore plus bleus que le ciel au-dessus de sa tête. « Alors là, vous me suffoquez, petite demoiselle. Je viens de vous enlever à une mort presque certaine. Vous devriez plutôt commencer par me remercier. Ne pensez-vous pas ?» Le remercier de quoi? De l'avoir mise hors de portée d'un miroir? Incommodée par la chaleur, Ophélie renversa sa capuche et déboutonna sa pèlerine, mais l'ambassadeur lui tapa sur les doigts comme il l'aurait fait à un enfant. « Ne vous découvrez pas, vous attraperiez froid. Le soleil ici est aussi illusoire que ce beau ciel sans nuages, ces jolis coquelicots et le chant des cigales. » Il étendit sa cape miteuse par-dessus Ophélie pour lui offrir un peu d'ombre et se mit en marche posément, son chapeau dressé vers le ciel. « Dites-moi, fiancé de Thorn, quel est votre nom ?»« Je crois qu'il y a un malentendu, » souffla-t-elle d'une petite voix. « Vous me prenez pour une autre. » Il secoua la tête. « Oh non, je ne le crois pas. Je suis ambassadeur et en tant que tel, je sais reconnaître un étranger à sa seule prononciation. Vous êtes une petite d'Artémis. Et ça, dit-il en lui saisissant délicatement le poignet, je gagerais que ce sont des gants de liseurs. Il avait dit cela sans le moindre accent aux oreilles d'Ophélie. Elle devait admettre qu'elle était impressionnée. Cet homme-là était très bien renseigné. Vous sentez votre petite province à plein nez, la railla-t-il. Vous n'avez ni les manières d'une aristocrate, ni celles d'une domestique. Je dois dire que c'est adorablement dépaysant. Ne lâchant pas le poignet d'Ophélie, il lui déposa un baise-main, un sourire espiègle sur les lèvres. Je m'appelle Archibald. Me direz-vous enfin votre nom, fiancé de Thorn? Ophélie récupéra sa main et effleura des doigts les coquelicots. Quelques pétales rouges se décrochèrent à ce contact. L'illusion était vraiment parfaite, plus réussie encore que le parc de Bérénilde. « Denise, et pour votre gouverne, je suis déjà mariée à un homme de ma famille. Je ne suis que de passage ici. Je vous l'ai dit, vous me prenez pour une autre. » Le sourire d'Archibald vacilla. Prise d'une inspiration subite, Ophélie avait improvisé ce joli mensonge. Comme elle ne pouvait plus nier qu'elle était animiste, autant se faire passer pour une parente. Le plus important, c'était d'empêcher coûte que coûte cet homme d'établir un lien intime entre elle et Thorn. Elle avait déjà le sentiment d'avoir commis une bêtise irréparable, aussi ne devait-elle pas aggraver sa situation. Archibald considéra en silence, sous sa cape en haut vent, le visage impassible d'Ophélie, comme s'il cherchait à percer ses lunettes noires. Pouvait-il entendre les pensées? Dans le doute, Ophélie se récita en boucle une comptine d'enfance. « Madame, donc ?» dit Archibald d'un air pensif. « Et quelle est votre relation avec la fiancée de Thorn ?»« C'est une proche cousine. Je voulais connaître l'endroit où elle va vivre. » Archibald finit par lâcher un profond soupir. « Je vous avoue, je suis un peu déçu. Il aurait été follement amusant d'avoir la promise de Thorn sous la main. »« Et pourquoi cela ?» demanda-t-elle en sourciant. « Mais pour la déflorer, bien entendu !» Ophélie battit bêtement des paupières. C'était la déclaration la plus inattendue qu'on lui avait jamais faite. « Vous aviez l'intention de forcer ma cousine dans les hautes herbes de ce jardin ?» Archibald secoua la tête d'un air exaspéré, presque offensé. « Me prenez-vous pour une brute épaisse ? Tu es un homme, ne me fais ni chaud ni froid, mais jamais je ne lèverai la main sur une femme. Je l'aurais séduite, pardi. » Ophélie était tellement soufflée par le toupet de cet ambassadeur qu'elle n'arrivait pas à se mettre en colère. Il était d'une franchise déconcertante. Son pied buta contre quelque chose au milieu des coquelicots. Elle se serait étalée de tout son long dans l'herbe si Archibald ne l'avait rattrapée au vol. « Attention aux pavés, on ne les voit pas, mais on bute contre eux. » « Et si ma cousine s'était refusée à vous ?» insista Ophélie. « Qu'auriez-vous fait ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas trop. Une telle chose ne m'est jamais arrivée. » « Vous ne doutez vraiment de rien ?» Archibald se fendit d'un sourire féroce. « Avez-vous la moindre idée du mari auquel on la destine ? Croyez-moi, elle aurait été très sensible à mes avances. Asseyons-nous un moment ici, suggéra-t-il, sans lui laisser le temps de répondre. Je meurs de soif. Attrapant Ophélie par la taille, il la souleva de terre et la posa sur le bord d'un puits, aussi aisément que si elle ne pesait rien. Il tira sur la chaîne de la poulie pour y puiser de l'eau. « Elle est réelle ?» s'étonna Ophélie. « Le puits, il est. Sentez comme elle est glaciale. » Il avait versé sur le poignet d'Ophélie, là où le gant ne la protégeait pas, quelques gouttes brûlantes de froid. Elle ne comprenait pas comment un véritable puits pouvait avoir été creusé entre deux étages de la cité à ciel. Les illusions pouvaient-elles distordre l'espace à leur guise? Le soleil en plein visage, assailli par l'arôme de l'herbe chaude, Ophélie attendit que l'ambassadeur se fût désaltéré. Elle avait au moins la chance, dans cette regrettable mésaventure, d'être tombée sur un bavard. L'eau coulait abondamment sur son menton imberbe. La lumière crue du jour mettait en évidence le grain parfait de sa peau. Il était plus jeune qu'il ne lui avait paru à la lueur des lampadaires. Ophélie le dévisagea avec curiosité. Archibald était beau, c'était indéniable, mais elle ne se sentait pas troublée par lui. Aucun homme ne l'avait jamais troublée. Elle avait lu, une fois, un roman sentimental que sa sœur lui avait prêté. Elle n'avait absolument rien entendu à ses émois amoureux et le livre l'avait ennuyée à mourir. Était-ce anormal? Son corps et son cœur seraient-ils éternellement sourds à cet appel-là? Archibald s'essuya d'un coup de mouchoir aussi troué que son chapeau, sa veste et ses mitaines. « Tout cela ne me dit pas ce qu'une petite animiste faisait à cette heure-ci de la nuit, sans escorte, en pleine fête mirage. »« Je me suis perdue. » Ophélie mentait mal, aussi préférait-elle s'en tenir au plus près de la vérité. « Vous mentirez tant !» s'exclama-t-il joyeusement en s'asseyant à côté d'elle sur le bord du puits. « Et où donc dois-je vous raccompagner, en digne gentilhomme que je suis ?» Pour toute réponse, Ophélie fixa la pointe de ses bottines sous sa robe, salie par les flaques. « Puis-je vous demander pourquoi, monsieur, vous projetiez de séduire ma cousine avant son mariage ?» Archibald offrit son profil épuré à la lumière. Voler à un courtisan la virginité de sa femme, c'est un jeu qui a toujours eu le don de dissiper mon ennui. Mais la fiancée de Thorn, ma petite Denise, vous ne pouvez pas comprendre l'excitation que ça représente. Tout le monde déteste l'intendant, et l'intendant déteste tout le monde. Je plains sa petite protégée si elle devait tomber entre d'autres bras que les miens. « J'en connais qui régleront leur compte avec Thorn, sans faire dans la dentelle. » Il lui lança un clin d'œil qui lui donna froid dans le dos. Ophélie mordilla la couture de son gant. Certains se rongent les ongles quand ils sont nerveux. Ophélie, c'était ses gants. « Vous n'êtes pas forgé pour l'endroit où je vous emmène. » Les paroles de Thorn dans le dirigeable prenaient soudain tout leur sens. Archibald administra une petite chiquenaude à son couvre-chef de façon à le faire pencher sur le côté. « Il nous connaît bien, le saligaud, » ricana-t-il. « Cette chère Bérénilde a répandu la rumeur que la fiancée n'entreprendrait le voyage qu'à l'occasion du mariage. Mais si vous êtes là, » ajouta-t-il d'un air séraphique, « j'en déduis que votre cousine n'est en réalité pas si loin. » « Accepteriez-vous de me la présenter ?» Ophélie pensa aux ouvriers des entrepôts quelques étages plus bas, à leurs regards éteints, à leurs épaules harassées, aux caisses qu'ils embarqueraient et débarqueraient jusqu'à leur mort. En quelques battements de paupières, elle éclaircit ses lunettes jusqu'à la transparence, de façon à pouvoir regarder Archibald droit dans les yeux. « Vraiment, monsieur, vous n'avez rien d'autre à faire de vos 10 doigts ?» Il faut que votre existence soit vide. » Archibald parut complètement pris au dépourvu. Lui, qui se montrait si loquace, ouvrit et referma la bouche, sans rien trouver à répondre. « Un jeu, vous avez dit ?» reprit Ophélie d'un ton sévère. « Parce que déshonorer une jeune fille et frôler l'incident diplomatique, ça vous amuse ? Monsieur l'ambassadeur, vous êtes indigne des responsabilités qui incombent à votre charge. » Archibald fut frappé d'une telle stupeur qu'Ophélie crut que son sourire allait se décrocher de ses lèvres pour de bon. Il écarquillait les yeux sur elle comme s'il la voyait différemment. Il y avait longtemps qu'une femme ne m'avait pas parlé de façon aussi sincère, déclara-t-il enfin perplexe. Je ne saurais dire si ça me choque ou si ça me charme. De la sincérité, vous n'en manquez pas non plus, murmura Ophélie en fixant un coquelicot solitaire qui poussait entre deux pavés. Ma cousine sera avertie de vos intentions. Je redoublerai de recommandations pour qu'elle ne quitte pas Anima avant le mariage, conformément à ce qui était prévu. Ce n'était pas son mensonge le plus inspiré, mais elle n'excellait pas particulièrement dans cet art. Et vous, petite Denise, que faites-vous alors si loin de chez vous ? Demanda Archibald d'une voix doucereuse. Je vous l'ai dit, je suis en promenade de reconnaissance. Au moins, Ophélie n'eut-elle pas à forcer la comédie ? Il lui était difficile d'être plus sincère. Elle put regarder Archibald dans les yeux sans ciller. Ce tatouage sur votre front, c'est la marque de votre clan ? Si fait, dit-il. Signifie-t-il que vous pouvez entrer dans l'esprit des autres et en devenir le maître ? Demanda-t-elle encore, anxieuse. Archibald éclata de rire. Heureusement que non ! La vie serait affreusement terne si je pouvais lire dans le cœur des femmes comme dans un livre ouvert. Disons plutôt que c'est moi qui puis me rendre transparent à vous. Ce tatouage, ajouta-t-il en se martelant le front, est le gage de cette transparence dont notre société manque cruellement. Nous autres, nous disons toujours ce que nous pensons, et nous préférons nous taire plutôt que mentir. Ophélie le crut. Elle avait pu en juger par elle-même. Nous ne sommes pas aussi vénéneux que les mirages, ni aussi agressifs que les dragons, enchaîna Archibald en se rengorgeant. Toute ma famille travaille dans le milieu diplomatique. Nous agissons comme un tampon entre deux forces destructrices. Sur ces mots, ils se turent l'un et l'autre pensifs, et le crissement des cigales emplit le silence entre eux. « Je dois vraiment rentrer maintenant, » dit Ophélie à mi-voix. Archibald parut hésiter, puis il donna une claque à son gibus qui s'aplatit et se détendit comme un ressort. Il se décrocha du puits et offrit à Ophélie une main galante, ainsi que son plus beau sourire. « C'est dommage que vous ne soyez pas la fiancée de Thorn. »« Pourquoi donc ? » s'inquiéta-t-elle. « J'aurais adoré vous avoir pour voisine. » Il souligna cette déclaration d'une tape sur le crâne d'Ophélie, à croire vraiment qu'il voyait davantage en elle une enfant qu'une femme. Ils coupèrent à travers champs et retrouvèrent le mur aux ascenseurs. Archibald consulta sa montre à gousset. « Il va falloir patienter. Un ascenseur ne devrait pas tarder à redescendre. Souhaitez-vous que je vous raccompagne ensuite ? Je ne préfère pas, monsieur, » déclina-t-elle le plus poliment possible. Archibald se découvrit et du doigt joua avec le fond de son chapeau qui s'ouvrait comme une boîte de conserve. « À votre guise, mais faites bien attention à vous, petite Denise. La Citaciel n'est pas une ville recommandable pour une jeune femme solitaire, mariée ou non. » Ophélie s'accroupit et cueillit un coquelicot. Elle fit tournoyer entre ses doigts la tige légèrement velue qui semblait si réel. « Honnêtement, je ne pensais croiser personne à une heure pareille, » murmura-t-elle. « Je voulais juste marcher un peu. »« Ah, ça ! Nous ne sommes pas dans vos jolies montagnes où le jour et la nuit ont un sens. Ici haut, il n'y a pas d'heure pour danser, médire et comploter. Dès qu'on met le doigt dans l'engrenage des mondanités, on perd toute prise sur le temps. » Ophélie décrocha la fleur de sa tige et en renversa chaque pétale jusqu'à ce qu'elle prît l'apparence d'une petite poupée à robe rouge. Agathe lui avait appris ce tour de magie quand elles étaient jeunes. Et vous aimez cette vie ? Archibald s'accroupit à son tour et lui prit la poupée Coquelicot des mains avec une curiosité amusée. « Non, mais je n'en connais pas d'autres. Puis-je me permettre, petite Denise, de vous donner un conseil ? Un conseil que vous pourrez transmettre ensuite à votre cousine, de ma part. » Ophélie le considéra avec étonnement. « Elle ne doit jamais, au grand jamais, approcher notre Seigneur Farouk. Il est aussi capricieux qu'imprévisible. Elle s'y casserait les reins. » Il avait dit cela avec une telle gravité qu'Ophélie commençait à se demander sérieusement qui était cet esprit de famille pour inspirer une telle méfiance à ses propres descendants. « Dites-moi plutôt, monsieur, à qui ma cousine pourra s'adresser sans craindre pour sa vie et sa vertu ?» Archibald eut un hochement de tête approbateur, avec des yeux comme des eaux pétillantes. « Magnifique ! Vous avez enfin saisi la mécanique de notre monde. » Un grincement métallique leur indiqua que l'ascenseur approchait. Archibald rabattit la capuche d'Ophélie sur sa tête, lui ouvrit la grille en accordéon et la poussa doucement à l'intérieur de la cabine capitonnée. C'était un vieux groom, cette fois-ci ridé, si tremblant et si voûté, qu'il devait être centenaire. Ophélie jugeait honteux de faire travailler un homme de cet âge. « Faites descendre cette dame aux entrepôts !» ordonna Archibald. « Vous restez ici ?» s'étonna Ophélie. L'ambassadeur s'inclina et souleva son gibus éventré en signe d'adieu. « Moi, il me faut remonter vers de plus hautes sphères. Je prendrai un autre ascenseur. Au revoir, petite Denise. Et prenez soin de vous. Oh, un dernier conseil. » Il tapota du doigt le tatouage entre ses sourcils avec un grand sourire goguenard. « Dites également à votre cousine de ne pas raconter tout et n'importe quoi à ceux qui portent cette marque. Ça pourrait un jour se retourner contre elle. » La grille de l'ascenseur se referma, laissant Ophélie profondément pensive.